et solidaire, une régie de quartier, pourquoi faire ? Donc Patrick est là. Et vous préférez vous asseoir ou rester debout ? Moi, je vais rester debout, je pense. Pourquoi faire ? Ouais, bah t'es. Bonjour à tous et merci à Nuit Debout. J'étais venu il y a un mois à peu près parler de démocratie authentique. Et puis là j'écoutais la fin de l'intervention de la présentation précédente et je trouvais ça extrêmement fort. Donc le sujet est un peu différent, bien que, quoique, dans ce que je vais vous parler, il est aussi question... quelque part d'éducation et de faire autrement, en tout cas dans la relation avec les individus, avec les personnes, dans la vie en général et en particulier dans le travail, quoi. Alors j'ai proposé de parler d'économie sociale et solidaire, j'insisterai sur le terme de social d'abord, parce que je crois qu'il faut trouver des alternatives à cette économie extrêmement libéral et qui écrase tout sur son chemin. Et il y a des initiatives déjà qui existent, mais malheureusement qui ne sont pas suffisamment connues, pas suffisamment valorisées. Et puis la deuxième raison, c'est que il y a quelques années, enfin ça fait déjà un petit moment puisque ça fait 16 ans, j'étais dans un quartier populaire dans la ville où j'habite et j'ai contribué en tant que professionnel à l'époque. Et aujourd'hui, j'y suis plus, mais j'y suis en tant que vice-président, de cette association qu'on a créée, qui est une association d'économie sociale et solidaire, de lutte contre les exclusions, de solidarité, et qui est une régie de quartier. Voilà, je voulais vous parler de ces deux aspects-là, et de vous illustrer concrètement ce que ça peut donner l'économie sociale et solidaire sur un quartier. Concrètement, ça donne quoi ? Avec les vrais gens, avec et pas seulement en rêve, en pensée, même si c'est bien de rêver et qu'il faut toujours continuer à rêver. Mais voilà, comment concrètement tout ça, ça se passe. Alors peut-être quelques mots tout simplement pour introduire les choses. Donc je le disais tout à l'heure dans cette situation, dans le marché qu'on connaît aujourd'hui, l'horizon paraît indépassable de nos économies malgré les limites. Malgré ces limites importantes, le chômage, l'exclusion, la destruction de l'environnement, le développement d'activités uniquement solvables, la financiarisation de l'économie, les délocalisations, etc. etc. Mais face à tout ça, il y a de nouvelles pratiques qui sont apparues donc dans les années 70 pour faire face à ces effets, mais aussi pour répondre à des aspirations culturelles, sociopolitiques, recherchant d'autres manières de travailler, d'autres manières de vivre ensemble sur son terrain, sur son territoire, dans sa ville, dans son quartier. Une autre façon de faire ensemble aussi société. Et ces initiatives, elles répondent à des enjeux qui sont variés et qui prennent des formes multiples. Et les services de proximité, il y a la finance solidaire, il y a le commerce équitable, il y a les AMAP, il y a les régies de quartier. Elles se trouvent progressivement... toutes ces initiatives-là sous le concept d'économie solidaire. Et ça va se diffuser petit à petit au début des années 90. Alors donc les régies de quartier, qui font partie de ce grand mouvement d'économie sociale et solidaire, elles ont été partie prenante à partir d'un appel paru dans le journal Le Monde en 95 et 97 en faveur de l'ouverture d'un espace pour l'économie solidaire et la création de réseaux. Ces réseaux se sont diffusés, y compris à travers le monde. Et en juillet 97 a été créé le Comité national de liaison des régies de quartier. En fait, des régies de quartier, il en existe quelques-unes à Paris d'ailleurs. En France, il y en a 130. Donc c'est vraiment pas énorme. Et elles sont toutes nées dans des quartiers très populaires, quartiers qu'on dit sensibles, des quartiers en politique de la ville, voilà, qui relèvent de la rénovation urbaine, de cette politique publique qu'on appelle la politique de la ville. Alors le CNRQ est parmi les 200 participants de ce grand mouvement international autour de la globalisation, non pas de la finance, mais de la solidarité cette fois-ci. Et ça s'est passé à Lima. Et ça donnera naissance au réseau international de promotion de l'économie sociale et solidaire. Alors les régies de quartier, elles sont reconnues par diverses politiques publiques. Je parlais de la politique de la ville aujourd'hui et d'autres aussi, les politiques d'insertion, notamment des publics les plus éloignés de l'emploi, comme des structures de l'économie solidaire, que ce soit au niveau national, régional ou local. Et sur le plan scientifique, les régies de quartier font l'objet de recherches aujourd'hui. Elles font partie des initiatives qu'on conduit à la production du concept d'économie sociale et solidaire. Les régies de quartier se sont dotées d'une charte des régies de quartier, d'un manifeste des régies de quartier. J'en dirai quelques mots tout à l'heure. Alors, suivant la définition donnée par le Comité national de régies de quartier, une régie de quartier, elle regroupe les villes, les collectivités locales, les logeurs, les bailleurs sociaux, les HLM, comme on dit, et puis des habitants. C'est ce triptyque-là, avec ces trois acteurs-là, qu'on construit un projet de régie de quartier. Alors, bien sûr, il faut qu'on en ait la volonté commune, il faut qu'on ait envie d'agir ensemble, et qu'on ait envie de se parler, qu'on croit réellement au partenariat, et que ça ait du sens. Et qu'on se dise, bah ici, pour que mon quartier change, bouge, pour que ça soit plus agréable, pour que les liens sociaux se développent, mieux qu'ils le sont, pour qu'il y ait peut-être moins de violence, pour qu'il y ait plus de respect entre les uns et les autres, pour que des gens puissent retrouver le chemin de l'activité aussi, et du travail concrètement, parce que c'est ça le but aussi, bien sûr, c'est l'insertion par le travail, eh bien, on décide ensemble de faire projet, de faire société locale, et de construire ensemble un projet. Donc je répète, la ville, les villes, souvent, qui jouent le jeu, et puis les bailleurs sociaux, et puis les habitants, bien évidemment, qu'ils soient individuels ou par regroupés en association, en collectif, peu importe. Tout ce monde-là se retrouve sur son territoire et travaille ensemble. Alors, ils interviennent, les régies, sur ce qu'on appelle la gestion urbaine, donc la propreté, le nettoyage, tout ce qui touche à la qualité de la vie dans son quartier. À l'embellissement, aussi à la veille sur le quartier, les régies ont travaillé sur, par exemple, des services de correspondants de nuit, des personnes qui étaient là la nuit, qui étaient à l'écoute des gens, qui pouvaient intervenir, en tout cas faire de la prévention, faire de la médiation quand il y avait des fois des altercations entre les personnes, mais aussi c'est des gens qu'on peut appeler à n'importe quelle heure de la nuit, enfin pas tout à fait, il y avait quelques horaires quand même, c'était du 20h, pour l'expérience que j'ai vécue, du 20h, 3h du matin quand même, ou des personnes par exemple qui se sentaient seules, qui se sentaient un petit peu déprimées, qui n'allaient pas bien, hein, du point de vue de la santé morale ou physique, pouvaient appeler ce numéro de téléphone et savaient qu'il y avait des gens dans le quartier qui pouvaient venir les voir, les rassurer, éventuellement déclencher derrière toute une série de choses, appeler un médecin ou appeler les gens qu'il fallait pour résoudre fondamentalement le problème. Voilà, donc la gestion urbaine, un espace géographique, donc c'est un quartier à entretenir, sur lequel il faut faire de la veille, sur lequel il faut faire de la médiation, et puis une mission technique également pour réparer, pour entretenir. Alors ça se traduit par une activité qui favorise l'insertion sociale et professionnelle d'habitants en difficulté et l'émergence de nouveaux services. Les activités de la régie sont le support d'une démarche de médiation, de sensibilisation, je l'ai dit, qui poursuit auprès des habitants et des acteurs une mission sociale. Améliorer la relation humaine, inventer des modes de gestion, partager et surtout construire en suscitant l'implication et la responsabilisation des habitants. Une citoyenneté active sur le territoire de la régie. Alors ces caractéristiques politiques, économiques et sociales, elles rejoignent celles de l'économie solidaire, auxquelles donc les régies de quartier font référence depuis 1990. Face à une diversité de pratiques, il y a deux chercheurs et deux sociologues, Bernard Aimé et Jean-Louis Laville, qui ont proposé une définition de l'économie solidaire. Je la cite. Composante spécifique de l'économie aux côtés des sphères publiques et marchandes. L'économie solidaire peut être définie comme l'ensemble des activités économiques soumises à la volonté d'un agir démocratique où les rapports sociaux de solidarité priment sur l'intérêt individuel ou sur les profits matériels. Cette citation a donc est lourde de sens et elle a ainsi contribué à la démocratisation de l'économie à partir de l'engagement citoyen. Et cette perspective a pour caractéristique d'aborder toutes ces activités par une double dimension, donc c'est la double dimension des régies, la dimension économique et la dimension politique, et c'est ce qui confère son originalité. Alors voilà un petit préambule que je voulais faire général sur le sens de ces régies, leur naissance et en quoi elles s'insèrent dans ce mouvement général mondial et chez nous ici de l'économie sociale et solidaire. Et je voudrais à présent vous dire deux trois mots sur comment les choses concrètement se sont organisées là où j'habite. En fait, on est parti d'une situation dans un quartier qui était très compliqué. Il y avait eu à cette époque-là, donc il y a une quinzaine d'années, 16 ans plutôt, des heurts violents dans la cité, des coups de feu y compris. Et puis il y avait des réunions avec les habitants, vous connaissez les conseils de quartier, ce type de structure-là, et les gens très en colère en disant c'est pas possible quoi, ça se dégrade de plus en plus, physiquement, du point de vue de la violence, du point de vue des relations sociales, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors moi il se trouvait que je connaissais ce dispositif des régies et j'ai proposé aux habitants la chose suivante, c'est de leur dire bah, écoutez, mettons-nous tous ensemble, collectivement, et réfléchissons à ce qu'on peut faire par nous-mêmes. Il y aura des réponses institutionnelles, peut-être que la ville nous aidera, fera des choses, peut-être que l'État pourra contribuer quelque chose, le bailleur, peu importe, ce sera un plus, mais d'abord, ce qui peut être très important et plus intéressant, c'est que nous-mêmes, on cherche nos propres réponses aux questions et aux problèmes auxquels on est confronté. Et donc, on a été regarder ce qui se faisait dans d'autres endroits. On est allé voir dans des villes où il y avait ces organisations qui avaient fonctionné. On a rencontré des tas de gens. Voilà, on a exploré tout ce qui pouvait, on a été chercher des ressources. Et donc, on s'est arrêté sur cette idée de régie de quartier. Et donc, on a créé, pour ce faire, il faut créer une association. C'est une structure qui est d'abord associative. Si on veut que ça fonctionne démocratiquement, l'association est un bon levier. C'est pas toujours le cas, mais ça peut être une belle école de la citoyenneté et de la vie démocratique, l'association. Et donc, nous avons créé cette association. Et puis ensuite, nous avons pris contact avec le Conseil national de liaison des régies de quartier pour leur expliquer notre projet. Et alors là, on déclenche quelque chose avec le Conseil national des régies de quartier, c'est qu'il nous accompagne, il nous aide à finaliser notre projet, à le rendre viable, à le rendre possible. Parce qu'on peut avoir de très belles idées et puis dans la réalité, pas pouvoir les mettre en œuvre. Donc ce qu'on va vérifier avec le CNRQ et ce qu'on a vérifié avec eux, donc concrètement, c'est... Si le projet était un véritable projet avec un vrai engagement d'habitants prêts à s'investir, à donner de leur temps et à faire des choses dans cette association. Ça, c'est la première chose. Un vrai projet social et solidaire. Ensuite, est-ce que on était capable de vendre un certain nombre de nos services à la ville, à un bailleur, etc. Puisque l'objectif, c'est de faire travailler les habitants du quartier avec cette association. Et que l'intervention des habitants et leur travail consiste à améliorer la vie du quartier. On est dans du développement endogène. Hein? On a des personnes ressources dans la cité, dans le quartier, et c'est avec elles qu'on veut à la fois les aider à s'en sortir individuellement parce qu'elles vont retrouver le chemin de l'emploi, et en même temps à faire que le quartier s'en sorte parce que collectivement, on va travailler ensemble et qu'on va contribuer à ce développement endogène qui vient... du cœur, c'est ça que ça veut dire, à la différence d'exogène qui vient de l'extérieur, l'endogène c'est ce qui vient du lieu lui-même. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est de travailler sur cette problématique avec un collectif, avec des habitants. Alors voilà ce qu'on a vérifié, et puis ce qu'on a vérifié aussi, c'est la possibilité ou pas de pouvoir être aidé au démarrage, parce qu'il faut amorcer la pompe. Hein. Finalement, au bout du compte, au bout de 16 ans, cette structure qui existe toujours et dont je suis le co-créateur et le vice-président encore, elle fonctionne, elle a un budget de un peu plus d'un million d'euros. Elle a environ 50 salariés qui ne sont pas tous des salariés à plein temps. Il y a des gens qui travaillent 25 heures dans la régie, il y a des gens qui travaillent 35 heures, il y a des gens qui ont un statut de travailleurs en insertion, puis il y a des gens qui ont des statuts tout à fait normaux, salariés d'une entreprise, tout simplement, avec un contrat de travail ordinaire, normal. Et puis, surtout, pour les personnes qui sont en insertion, la régie va leur permettre de faire un vrai projet, faire un vrai processus. On a 2 ans. Pourquoi 2 ans? Parce que malheureusement, les services de l'État nous accordent 2 ans. Il y a des subventions, il y a des aides à l'emploi qui durent pas plus de 2 ans par personne. Et on a 2 ans pour aider la personne à faire ce parcours d'insertion professionnelle et sociale, j'insiste beaucoup, sociale. Alors, voilà ce que ça produit concrètement dans le quartier, donc des personnes qui retrouvent le chemin de l'emploi et qui n'auraient pas pu trouver un boulot dans une autre entreprise, parce que dans une autre entreprise, il faut arriver à l'heure, c'est pas à la leur. Si tu arrives en retard 3 fois, on te dit, tu prends la porte. Il y a plein d'autres chômeurs derrière que je vais pouvoir embaucher, hein. Ça marche comme ça. Alors que nous, c'est pas du tout ça. Nous, on sait bien que c'est compliqué pour quelqu'un qui n'a pas travaillé pendant des années de retrouver le chemin de l'emploi, de se responsabiliser, d'apprendre à respecter les uns et les autres, etc. On sait que c'est pas facile. On a des gens qui ont des parcours de vie. Je vous dirai tout à l'heure, je vous lirai un petit texte que j'avais écrit quand on avait fait une petite, pour les 10 ans de notre association, on avait fait une petite plaquette. Et dans cette plaquette, on reprenait le parcours de 10 salariés. D'où ils venaient et où ils en étaient au moment où on a fait cette plaquette. Et je vous lirai ce petit passage parce que c'est assez emblématique du parcours et de ce que l'on peut faire. Alors donc, voilà, on travaille sur la personne, on l'aide, on l'accompagne. On a une personne dans la régie qui va aider les personnes qui ont besoin de se faire aider pour trouver un logement, les personnes qui... Il y a des gens, par exemple, qui ont un rapport à l'alcool un peu compliqué, donc on va les aider, on va les aiguiller. On va voilà, il y a une vraie bienveillance à l'égard de chacun des salariés. Et alors la grande originalité de tout ça, c'est que les salariés, ils sont aussi complètement partie prenante de l'association. Hein, c'est de la cogestion, de la vraie cogestion. Ils sont représentés au conseil d'administration. Les habitants sont majoritaires dans le conseil d'administration. Alors il y a les habitants, et puis il y a les habitants salariés. Et tout ça, ça travaille ensemble. Alors après, il faut bien s'organiser, il y a une équipe de direction, il y a un conseil d'administration, évidemment. Bon, ça fonctionne comme on fonctionne en général avec une association qui fonctionne bien. Mais il y a réellement cette bienveillance et cette volonté d'associer à la gestion les destinataires en fait de l'action que sont les habitants du quartier. Et ça, c'est quand même extraordinaire et c'est ce qui fait que on est dans cette économie sociale et solidaire qui n'a rien à voir avec l'économie libérale dans laquelle plonge une autre entreprise ordinaire, où le but c'est de faire du profit et éventuellement de le redistribuer, mais pas forcément à tout le monde, et à quelques-uns seulement. On est complètement hors de tout ça. Hein. On est dans une autre façon de concevoir le travail et de concevoir l'insertion dans son quartier et dans sa ville. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure d'un manifeste. Je veux aussi vous dire quelques mots là-dessus. Le manifeste, il dit la chose suivante. Il dit qu'il y a 3 approches essentielles dans les régies. Il parle de l'approche sociale. Donc l'approche sociale, j'en ai déjà dit quelques mots, c'est l'importance de l'individu et du travail qu'on va pouvoir faire avec chacune des personnes qui comptent pour un véritablement dans cette organisation. On va l'aider à surmonter ses difficultés. Et puis aussi, on a cette approche globale. Hein. Le social, c'est à la fois l'accompagnement individuel, mais aussi l'accompagnement et la dynamique collective qu'on peut créer avec toutes les personnes. On va travailler beaucoup sur l'estime des personnes, l'estime d'elles-mêmes, hein, le sentiment d'équité, l'estime de soi. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont en difficulté aussi parce qu'elles n'ont plus confiance en elles. Et si alors on va rencontrer dans leur parcours, dans leur chemin, des fois c'est des amis, des fois c'est des proches, ça peut être des gens de la famille aussi. Mais là pour le coup, c'est son lieu de travail où on va pouvoir retrouver des gens qui vont être bienveillants et qui vont nous permettre de retrouver de la confiance. Ça c'est extrêmement important. Le collectif, je l'ai dit, j'insiste encore un petit peu plus, parce que vous l'avez bien compris, dans ces structures-là, on est complètement ancré dans le quartier. Et donc ce qu'on va chercher à faire aussi, c'est que même ceux qui ne sont pas impliqués dans la régie de quartier, mais qui habitent le quartier, monsieur, madame, tout le monde, vous ici, moi, ceux qui vivons dans ces quartiers-là, eh bien, on soit aussi impacté par ce que fait la régie. Et donc la régie, elle est inscrite dans le développement local. elle va participer à des animations de quartier. Elle va se rapprocher peut-être d'un centre social, s'il existe un centre social, pour développer des animations. Elle va être présente quand il faut être présent. Elle va prendre des initiatives qui peuvent même avoir un caractère convivial, un caractère festif. Tout ça pour permettre à ce que les liens entre les personnes puissent être développés et puissent se déployer. On est dans le faire ensemble. On dit souvent, il faut vivre ensemble. Mais moi, je dis, c'est bien de vivre ensemble. Mais on peut vivre ensemble les uns et les autres, à côté des uns et des autres, sans jamais se parler, sans jamais être en relation. Le plus important, et ce qui fait, ça rejoint l'intervention de tout à l'heure sur l'éducation, je trouve, c'est le faire ensemble. C'est dans le faire avec l'autre qu'il se passe quelque chose, qu'il y a de l'interaction, et que c'est cette interaction qui nous aide à nous construire personnellement et qui aide aussi l'autre à se construire. L'autre aspect, c'est l'aspect économique qu'on retrouve dans le manifeste. Donc, service de proximité, je l'ai dit, qui travaille aussi sur le droit au travail. L'économie solidaire, basée sur l'amélioration du quotidien, ça aussi, je l'ai dit, et de la redistribution des flux financiers. Ça, c'est un point très important. C'est-à-dire, dans ce fameux développement endogène, qu'est-ce qu'on cherche à faire ? Par exemple, le bailleur. Le bailleur, il a besoin de réparer des cages d'escalier. Il a besoin de faire en sorte que les habitants dans sa cité, s'ils ont une fuite au robinet, ils puissent appeler quelqu'un qui vienne les aider à réparer parce que c'est une personne âgée, elle ne sait pas comment faire, elle n'a pas les outils, etc. etc. Bon, le bailleur, il a tout intérêt à avoir une structure de ce type-là dans son environnement et dans son quartier parce que l'avantage qu'il y a avec cette structure-là, c'est qu'elle va pouvoir intervenir rapidement, qu'elle connaît les gens du quartier, les habitants du quartier, et voilà. Et donc, l'argent que va donner le bailleur à la régie de quartier, on est dans un circuit court quelque part, vous voyez, on est dans une régulation des flux, au lieu que cet argent parte à une entreprise, une multinationale ou je ne sais où, cet argent-là, il retourne dans le quartier. Il va permettre à payer l'association qui va elle-même payer le salarié qui travaille, et il se trouve que ce salarié-là, eh bien, c'est un salarié qui habite la cité. Et que c'est peut-être quelqu'un de sa famille chez qui on est intervenu pour réparer la fuite d'eau ou pour nettoyer la cage d'escalier qui avait besoin d'être nettoyée. Vous voyez, ce système-là est tout à fait intéressant. Enfin, sur la citoyenneté, il s'agit de travailler sur l'implication, sur la participation, ça je l'ai dit, et donc sur l'éducation populaire également. Voilà. Je veux juste terminer par un petit passage. Je vous ai dit tout à l'heure la lecture d'un petit passage d'un petit bouquin que j'avais fait à l'époque avec les amis de l'association. Ça s'appelait Chemin parcouru. Donc c'est une dizaine de salariés qui racontaient. Voilà, là on voit une dame qui nettoie des locaux dans le quartier. Voilà. Et il y a une dizaine de personnes comme ça qui racontent leur itinéraire. Et qui voilà. Et quand il a fallu, les collègues m'ont dit, Patrick, c'est toi qui vas écrire la petite préface. Du coup, j'ai relu l'ensemble de ces parcours. C'est des gens que je connaissais, que je côtoyais, mais j'avais pas forcément pour tous en tête leur parcours. Et je voudrais vous lire ça parce que ça, voilà, ça finira bien cette petite introduction au débat. Alors, chantier de rénovation, entretien d'espaces verts, ménage, entretien urbain. Services aux habitants, repassage, travaux de peinture, petites réparations, situé dans un grand ensemble dans le quartier des Tilleuls au Blanc-Mesnil, cette association accompagne et soutient les habitants au moyen de l'insertion par le travail. Près de 12 ans à l'époque, quand j'écrivais ce petit papier, mais du coup maintenant 16 ans, ce projet associatif était porté par les habitants eux-mêmes. À l'époque soutenu par la ville, c'est plus le cas maintenant, ça a changé de municipalité, ils ont décidé de plus aider cette association, mais on s'en sort quand même et on va y arriver. Et puis évidemment les bailleurs. Un tremplin pour sortir de la spirale de l'exclusion, avec au bout le plus souvent la confiance en soi retrouvée et un pas de plus vers l'épanouissement individuel et collectif. C'est du moins l'objectif commun de la vingtaine de bénévoles et encadrants professionnels qui agissent au sein de son quotidien. Et donc, je parle des gens qui sont au conseil d'administration notamment. Le petit livret, donc, ce petit livret présente le parcours de vie de quelques salariés. Certains sont toujours en activité dans la régie, d'autres l'ont quitté pour une formation qualifiante ou avoir une, après avoir sorti la tête de l'eau. Pour d'autres, les portes de l'emploi pour un contrat à durée indéterminée se sont ouvertes au bout du chemin parcouru pendant 2 ans en moyenne passé dans cette petite entreprise associative. La parole de ses habitants est digne, ce qui sans aucun doute marquera le lecteur de cette petite brochure, c'est la richesse des parcours racontés. Ils précèdent à chaque fois un incident de la vie, lié à une séparation par exemple, à un problème de santé, ou encore un départ du pays d'origine, une perte brusque d'argent. Ça pourrait nous arriver à tous, à tout moment. Les aléas de l'existence qui peuvent donc arriver à tous, à chacun d'entre nous, tant la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui peut être violente et insécurisante. En lisant ces quelques lignes, d'autres aspects nous touchent au plus profond de nous. Ils tiennent à la diversité des parcours avec de nombreux changements dans la vie personnelle ou professionnelle. Beaucoup de témoignages nous parlent aussi d'une enfance agréable, heureuse. Et ce cheminement dans la régie qui peut-être la rappelle, ça fait du bien. Je cite une des personnes, une des salariées. On sort de l'isolement, je cite encore, les gens sont sympas, je cite, et plus encore, je cite encore, on se sent en famille, on nous écoute et surtout, je cite encore une fois, on nous fait confiance. D'autres mots font écho, encore une citation, maintenant je dis bonjour à beaucoup de gens, je retrouve des contacts, moralement c'est important de retravailler. Et puis ces paroles, qui touchent ce que nous avons tous besoin de partager pour vivre heureux, et je cite une dernière fois, le lien, le contact humain, l'humanité, c'est un pied à l'étrier et c'est un peu comme si on me tendait une perche pour avancer. Voilà ces paroles qui rappellent l'urgence d'agir pour une société plus humaine et solidaire, où chacun puisse retrouver le pouvoir d'agir dans sa vie, avec les autres, dans l'espace public. Est-ce que c'est pas ça faire société? Voilà. Merci à vous. J'espère pas avoir été trop long, on m'a fait signe, voilà, mais bon. Donc, écoutez, n'hésitez pas à poser toutes les questions sur tout ça. Donc du coup, merci beaucoup pour cette présentation. Pour résumer, en fait, ce que j'ai compris, c'est que les régies de quartier, c'est un mode de fonctionnement préétabli qui est, un consensus qu'on choisit de suivre quand on concrètement monte une association à plusieurs. On dit voilà, il y a les régies de quartier, c'est un mode de fonctionnement, on va rentrer là-dedans, on trouve des financements et hop, c'est parti. C'est ça l'idée, hein, c'est pour savoir concrètement si voilà. T'as bien résumé. C'est pas si simple, hein. Il y a des aléas, hein. C'est un cheminement, des fois on veut aller là et puis on fait comme ça. Mais c'est ça, effectivement, s'il y a la volonté d'agir avec des habitants, si on arrive à trouver des acteurs autres que des habitants, des bailleurs, éventuellement la ville, effectivement, on travaille ensemble à ce projet, on l'affine et à un moment donné, on arrive à créer notre structure. Voilà. Alors en France, il y en a 130. Il y en a quelques-unes qui ferment leurs portes et qui n'arrivent pas à bien fonctionner. Ça arrive. Par exemple, je disais tout à l'heure, quand la ville, elle se retire, elle enlève un certain nombre de prestations qu'elle demandait à faire à la régie, ça fait effectivement des sous en moins pour l'association. Donc, il y en a qui arrivent à résister parce qu'elles trouvent d'autres marchés. Désolé de parler comme ça, hein. D'autres occasions de travail. Et puis, pour d'autres, elles n'y arrivent pas. Donc, comme ça, depuis plus de 20 ans, on a une moyenne de 130 régies. Des fois, il y en a un petit peu plus, 4 ou 5 de plus, des fois 4 ou 5 de moins. Voilà. Donc, c'est quand même pas énorme sur toute la France, hein. Alors, ça se développe dans quelques pays aussi, en Europe et à l'étranger. Au Maroc, tout à l'heure, il y avait une dame qui disait qu'elle était du Maroc. Je sais qu'il y a 2-3 initiatives dans ce sens-là. Voilà. Mais bon, c'est un peu ce que tu as dit. Voilà. Déjà, il faut être motivé, avoir l'idée, et puis ensuite construire le projet. N'hésitez pas surtout à poser des questions. j'ai une question un petit peu, enfin plus ou moins concrète, parce que j'ai peut-être pas compris certaines choses qui sera, j'espère, pas trop mal vue. Mais en fait, donc l'association, bon, il faut qu'elle vive aussi pour pouvoir salarier les gens qui y travaillent. Donc en fait, donc a priori, l'argent recircule pour les gens qui, les habitants du quartier, en fait. Mais en fait, comment est-ce qu'elle se finance, en fait? Par quel type d'activité concrètement, en fait? Qu'est-ce qu'elle, elle vend des services, des produits, des... Est-ce que c'est important? Merci de ta question. J'ai peut-être pas été suffisamment clair là-dessus. C'est possible. Alors, oui, évidemment, elle vend des services. Alors, elle vend du nettoyage urbain. Elle vend du jardinage. Elle vend des services à la personne. Elle vend du nettoyage de locaux. Elle vend de la remise en peinture de locaux. Souvent, c'est sur des locaux communs, partagés. Mais ça peut être aussi chez des personnes. Ça peut être dans des salles, dans des équipements. Voilà, c'est tout ça. Nous, on a, dans le petit texte que j'ai lu à la fin, je parlais de repasserie. On a mis en place une repasserie avec des femmes du quartier. Ça nous a permis de toucher le public des femmes. On n'arrivait pas forcément à les toucher. On avait plutôt des hommes qui étaient plus là pour des tâches liées au jardinage, à l'entretien, etc. etc. Donc on vend tout ça. On le vend à qui? On le vend à la ville. On le vend à un bailleur, on le vend éventuellement à une personne individuelle, on le vend à des copropriétaires dans une petite copropriété. Voilà. Tout ça, ça fait de l'argent. On y ajoute aussi quelques subventions qui viennent de l'État, des fonds européens, des fonds du Conseil général, puisqu'il est chargé, le Conseil général, les départements, ils sont chargés de travailler sur l'insertion des personnes. Hein. Ils gèrent le RSA, par exemple. Bon. Donc à ce titre-là, ils viennent financer aussi. Et il faut bien sûr faire la preuve qu'on a fait un bon boulot, que les personnes trouvent du boulot derrière, etc., etc. Mais donc, il y a quelques financeurs. Même si ça se réduit un peu, malheureusement, par les temps qui courent, les finances, on arrive quand même à avoir quelques financements. Voilà. Et donc, du coup, avec tout cet argent-là, ça nous permet d'embaucher des salariés et de faire tout ce travail d'accompagnement. Ils travaillent et en plus, on les aide socialement. On les accompagne. On a fait, par exemple, avec la régie, des ateliers théâtre. Les salariés ont participé. C'est extraordinaire pour eux. Extraordinaire pour eux. Alors, un truc tout bête aussi, qui participe à la citoyenneté. Des gens qui sont privés du droit de vote. Ça, c'est un vrai problème dans notre pays. Les personnes étrangères qui ne peuvent pas voter. Ben, y a pas mal de ces personnes-là qu'on retrouve dans la régie. Et ben, comme on est une association démocratique, il y a un vote à l'intérieur de l'association. Et je me souviens de salariés qui disaient, c'est la première fois que je mets un bulletin de vote dans une urne, mais je suis content de le faire, quoi. C'est, pour moi, c'était un rêve. Alors je sais que c'est pour la régie et que c'est pas pour plein d'autres choses, mais quand même, il se passe quelque chose et il s'est passé quelque chose dans sa tête. Voilà. Donc ça permet à des personnes vraiment de... Je parlais d'estime de soi, de reprendre confiance, c'est vraiment très très très très fort. Voilà, donc c'est, il faut le gérer, hein, c'est une vraie gestion, hein, c'est après, c'est pour ça que j'ai utilisé le terme d'entreprise solidaire, associative, mais c'est une véritable entreprise, quoi. Je vous disais, il y a, donc là nous par exemple dans la régie où je suis, il y a une équipe de direction, malheureusement on avait un directeur emblématique, et c'est aussi pour ça que j'ai proposé ce petit moment-là à Nuit Debout. Une petite pensée pour Mourad, qui était notre directeur, qui est subitement décédé d'une crise cardiaque il y a 2 mois de ça, et qui était là depuis 10 ans. Et voilà, donc il y a un nouveau directeur qui va arriver, donc il y a une directrice adjointe, il y a 2-3 autres personnes qui travaillent autour d'eux, et puis après il y a un conseil d'administration qui gère tout ça avec les habitants, j'insiste, majoritaires, c'est rare ça. Quand c'est vraiment les habitants du quartier qui décident, la présidente est une habitante du quartier, elle ne fait que ça. Enfin, elle n'est pas élue, elle n'est pas. Voilà. Alors, il y a des élus de la ville aussi, parce que dans nos statuts, on a la possibilité, on donne la possibilité à la ville, puisqu'on voudrait construire des liens avec la ville, de siéger au conseil d'administration. Bon, voilà. Donc, il y a un vrai travail, mais voilà, je voulais mettre en avant ce côté. J'insiste sur le mot de bienveillance, quoi, et de faire autrement et considérer le travail comme autre chose. Et comme j'ai essayé de dire dans le petit texte que je vous ai lu à la fin, on voit bien pour les personnes que ça a été tout un parcours et qu'ils se sont retrouvés en sécurité dans ce lieu-là. voyez ? C'est pas l'entreprise où dès que je fais un truc, on m'espionne, on me regarde de travers, on regarde toujours la montre, à quelle heure je suis arrivé, à quelle heure je pars, on fait une pression. Non, on n'est pas comme ça. Et pourtant, les gens travaillent et travaillent bien. C'est dire que quand on est, encore une fois, bienveillant, quand on est attentif auprès des gens, quand ils comprennent le sens de ce qu'ils font, je pense que c'est ça aussi la clé, c'est que ça donne du sens à son travail, ben on s'implique et on fait les choses bien. Alors, je suis pas non plus, je rêve pas, on a eu des fois des difficultés avec quelques salariés, où il a fallu être dur, où il a fallu réexpliquer les choses, il est arrivé qu'on se sépare d'un salarié. Mais sur le nombre, depuis 16 ans, le nombre qui est passé par la régie, c'est peanuts, quoi. Pour la plupart, ça marche bien. Il y a une chose que j'ai pas dite aussi, plus de 60% des gens qui sont là, des personnes qui passent par la régie, elles ont trouvé soit un emploi, un vrai boulot dans une boîte normale, quoi, hein, soit une formation qualifiante, avec une formation de plus de 6 mois qui leur donne un bon diplôme qui puisse faire valoir sur le marché du travail. Alors, il y a le Comité national de liaison des régies de quartier, CNLRQ. On peut retrouver ça sur Internet et qui vous reprendra toute une série de choses que je vous ai données. Alors, moi-même, je n'ai pas amené ici, j'ai écrit un ouvrage sur ces questions de citoyenneté, de démocratie, de faire ensemble, et voilà, même d'autres ouvrages. Et je parle de la création de cette régie et de son cheminement. Je ne parle pas que de ça, mais dans un de mes livres, je parle de ça. Alors, si ça vous intéresse, je donnerai à ce moment-là, parce que si on retrouve après sur Internet un certain nombre de choses, je mettrai des liens là-dessus. Je peux vous donner le titre d'un bouquin où j'en parle, ça s'appelle « Ville, démocratie, citoyenneté, expérience du pouvoir partagé ». Ville, démocratie, citoyenneté, expérience du pouvoir partagé. On retrouve pas mal d'éléments sur ce projet des régies de quartier et au-delà de cela, sur le développement local et comment construire avec les habitants eux-mêmes en les impliquant concrètement des réponses aux questions auxquelles ils sont confrontés. Pas seulement attendre que ça vienne d'en haut ou que ça vienne pas ou jamais, quoi. Hein. Se prendre en main soi-même et on voit ici qu'on est capable de le faire, quoi. Voilà. Oui. Ville, démocratie, citoyenneté, expérience du pouvoir partagé. Bonsoir. Bah moi déjà, je voudrais vous féliciter pour votre action. Je trouve que voilà, il y a un vrai élan de solidarité qui se crée. Et, c'est quelque chose qui manquait. Je suis un peu confus. J'avais préparé un truc mieux, mais j'arrive pas à le dire. Ce que je voulais dire, en fait, c'est que bah ouais, c'est voilà, il y a l'idée d'un collectif, l'idée d'une idée qui se perpétue sans vouloir trop intellectualiser le truc. Je pense que voilà, c'est bien qu'il y ait un regain de solidarité comme ça. Et que moi, les AG, je trouve ça super, même si des fois c'est un peu la foire à la saucisse et que ils disent n'importe quoi, au moins c'est la vérité, quoi. C'est ce que les gens ils disent, quoi. Et voilà, moi je suis pour ça. Je suis pour que tous les gens s'expriment. Merci. Merci. Alors, ce que tu dis, c'est quand même très important. C'est-à-dire que nous, on fonctionne, et c'est vrai qu'on est assez fiers de fonctionner depuis 16 ans maintenant. Et ça marche, mais il y a au moins deux raisons qui font que ça marche. La première, c'est qu'on est motivé, individuellement et collectivement. Ça, c'est certain. Mais il y en a une autre raison très importante, c'est qu'on travaille collectivement et on se donne le devoir de le faire régulièrement. On s'oblige, un peu comme ici d'ailleurs, moi c'est ce que je trouve formidable dans ce dispositif, c'est que, voilà, quoi qu'il arrive, on est motivé, on le reste et on sait que collectivement, on est une force. Et bien, dans ce projet de régie, c'est ça. C'est une association, quoi qu'il arrive, toutes les semaines, là actuellement, malheureusement, notre Mourad, notre directeur, est décédé. Et on s'est toutes les semaines, on s'est vu. Toutes les semaines, on a fait le point avec les bénévoles, les gens du bureau, et puis Carole, la directrice, pour ne pas la nommer, et d'autres. Toutes les semaines, on était là et on prenait le temps et on regardait comment on avance, qu'est-ce qu'on fait, quels sont les problèmes. Et on parlait de tout. Toutes les questions étaient abordées. Et notre conseil d'administration, il se réunit aussi régulièrement. Ce n'est pas un faux conseil d'administration où les décisions sont déjà prises. Non, non, elles sont prises dans le conseil d'administration en réalité. Et ça, c'est très important. Et je généralise d'ailleurs parce qu'on a cette chance de fonctionner comme ça et on est très, très vigilant sur ce fonctionnement. Mais d'expérience aussi, il y a d'autres associations, heureusement, qui fonctionnent comme ça. Et celles qui ne fonctionnent pas, celles qui se cassent la figure... C'est celle qui ne joue pas le jeu du véritable fonctionnement démocratique et de la mise en avant de la parole de chacun, étant entendu que la parole des uns vaut autant que celle des autres. À un moment donné, il y a des décisions à prendre, mais il y a un débat avec tout le monde à égalité. Moi, je dis souvent, on est dans un état d'esprit qui est le suivant, c'est 1 plus 1 égale 3. Voilà. Et on s'enrichit de ça. Et aussi, que j'aime bien citer... un titre de livre d'Albert Jacquard, que vous connaissez certainement, un généticien de renom qui s'est beaucoup impliqué pour la lutte des sans-papiers et puis dans son travail de chercheur, il a développé plein de choses. Il a un livre qui s'appelle « Je cherche, donc j'apprends ». Voilà. Et je trouve que c'est très beau comme formule. Et ben, on essaye de s'appuyer sur ce genre de choses dans notre travail collectif. Voilà. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne, quoi. J'avais une question. Est-ce qu'à l'échelle nationale, c'est très répandu? Ou si c'est pas très répandu, comment voulez-vous... est-ce que vous avez des solutions pour répandre tout ça à l'échelle nationale? Alors, non, c'est pas... Je l'ai dit tout à l'heure, mais peut-être pas suffisamment, j'insiste. Il y a une espèce de fédération nationale des régies de quartier. S'appelle le Conseil National de Liaison des Régies de Quartier. C'est l'idée de faire réseau et de faire du lien, d'ailleurs. Pas de fédération. Ce fédération, c'est au-dessus. Là, c'est vraiment être avec, aux côtés, et aider chacune des associations à se développer, à faire sens. Et donc, si on a un projet, si on a envie dans son quartier, dans sa ville, quel que soit le lieu où on habite en France, on peut très bien... il faut être quelques-uns, pas tout seul, évidemment, mais on prend contact avec le CNRQ... Et le CNRQ peut vous aider, peut vous accompagner à faire tout ça. Et je disais tout à l'heure aussi que ça commence à se développer aussi dans certains autres pays européens, voire au-delà de l'Europe. Je prenais l'exemple du Maroc tout à l'heure, mais il n'y a pas que le Maroc, j'ai plus en tête. Il y a d'autres endroits dans le monde où ce concept commence à se développer également. Voilà. Mais de toute façon, ça ne démarre que par l'initiative du terrain, du départ par des gens. Ça vient pas d'en haut, hein, c'est pas le but du tout. C'est les gens qui se prennent en charge, qui disent « Bon, c'est intéressant, on va regarder comment on peut faire dans notre projet. » Alors, ce qu'on fait aussi, quand on a un projet comme ça, les régies qui existent, elles vont parrainer des initiatives qui commencent à naître. Voilà, un groupe d'habitants qui voudrait se fonder en régie dans un quartier de Paris, eh ben peut-être que ma régie, elle viendra vous aider et elle viendra vous accompagner dans votre projet pour vous aider à le développer. Il y a un système de parrainage, donc de soutien et d'aide entre chaque structure pour qu'elle se développe, se maintienne. Donc, avez-vous d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai l'impression que dans les grands traits que tu abordes, en fait, on vient à un espèce de truc un peu coopératif. Un truc un peu coopératif. Et je pense que la politique civile, à ce niveau-là, elle devrait être plus... être plus importante, quoi. Même si ça n'a pas donné ses fruits dans le temps. Aujourd'hui, je pense que voilà, les gens, ils ont besoin de voir des gens comme eux à l'Assemblée. Je sais pas, c'est peut-être un peu consensuel ce que je dis, mais... Alors, tu dis deux choses qui sont très importantes encore. on est bien dans du coopératif. Effectivement, je n'ai pas utilisé le terme, mais tu fais bien de l'utiliser. On est bien dans de la coopération. C'est-à-dire que je parlais tout à l'heure de développement endogène. Quand on est dans le développement endogène, on fait le pari que les ressources, elles sont là et que les gens sont capables. Ils ont des connaissances, ils ont des savoirs, ils ont des compétences et qu'on va, à partir de ce milieu-là, avec les personnes elles-mêmes qui sont dans ce milieu-là, trouver les ressources pour pouvoir s'en sortir, réagir, etc. Ça rejoint aussi un petit peu l'idée de, comment on appelle ça, de résilience quelque part. Hein. On parle de résilience, c'est Boris Cyrulnik qui parle de ça du point de vue psychologique, mais c'est la résilience aussi des territoires, vous voyez. C'est que même dans des situations les plus dégradées, même dans des situations où les liens sociaux sont très tendus, où la violence est forte, etc., il y a la capacité pour les êtres, collectivement, à retrouver des forces pour agir ensemble. Donc on est complètement dans ce projet coopératif. Et puis tu disais une deuxième chose, tu disais à l'Assemblée, etc. Moi, il y a à peu près un mois, j'étais venu pour parler de démocratie participative et j'avais dit, vous savez, il y a une grave crise dans notre société aujourd'hui, on le sait tous ici, sinon on est là aussi pour ça, pour penser autre chose et des alternatives. C'est cette représentativité, on meurt de la représentation, de la démocratie représentative. Il y a des gens qui sont censés nous représenter. D'abord, ils nous représentent très mal, et en plus, c'est de la délégation de pouvoir, c'est-à-dire qu'on n'est pas finalement tellement responsable, quoi. En gros, s'ils font des choses bien, on est tranquille, ça va. Dès qu'ils font quelque chose de mal, on n'est pas content. On est dans ce rapport-là. Et c'est ça qui ne va pas, en vrai. Or, il faut sans doute inventer un système qui soit beaucoup moins délégataire et beaucoup plus responsabilisant. Alors, on utilise le terme de démocratie participative, de démocratie d'intervention, bon, peu importe. En tout cas, on ne devrait même pas avoir besoin de rajouter un adjectif, un qualificatif. Démocratie tout court, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Alors il faudrait que les représentants à l'Assemblée nationale, et c'est le cas aussi dans d'autres instances de démocratie traditionnelle, ils soient beaucoup plus représentants du peuple, effectivement. Est-ce qu'il y a des ouvriers? Est-ce qu'il y a des employés? Est-ce qu'il y a des étudiants? Est-ce qu'il y a des jeunes à l'Assemblée nationale? Non. 75% des personnes à l'Assemblée nationale, des députés, sont des fonctionnaires. Bon, j'ai rien contre les fonctionnaires, mais c'est pas représentatif du peuple de France. Il y a 5 millions de fonctionnaires sur environ 40 millions d'actifs. Oui, la proportion, il y a un problème, quoi. C'est pas 75, voyez. Et puis les 25% autres, c'est des professions libérales, des médecins, des avocats notamment. Très bien, mais il faudrait aussi un peu plus de diversité, quoi, voyez. Si vous prenez le nombre de femmes, on est un des pays en Europe où il y a le moins de représentants féminines, de femmes à l'Assemblée nationale. Je crois qu'on est à peine à 20%. Le chiffre, c'est ça, 20%. Donc il y a quand même un problème, quoi. Voilà, donc on n'est pas bien représenté. Et puis le gros problème aussi, mais là on sort un peu du sujet, bien que c'est que tout ça, c'est devenu un métier. Faire de la politique, c'est devenu un métier. Mais c'est complètement fou. La politique, c'est pas ça. La politique, chacun ici d'entre nous pourrait à un moment de sa vie se dire « je vais m'engager un petit peu pour un mandat municipal, dans ma ville, dans mon département, voire plus, je vais m'investir pour la chose publique. » Seulement, on peut pas le faire. C'est très difficile à faire. Pourquoi c'est très difficile à faire? Parce que si vous travaillez, vous allez voir votre patron, pendant 6 ans, je vais arrêter de bosser avec vous, je vais aller faire un peu de politique et puis je reviendrai dans 6 ans. Bien, vous regardez, oh, ça ne marche pas comme ça. Les fonctionnaires, eux, peuvent le faire, parce qu'ils ont un statut particulier. Alors moi, je ne suis pas pour qu'on retire le statut des fonctionnaires, pas du tout, mais je suis qu'on prenne exemple sur le statut des fonctionnaires pour le généraliser et pour permettre à tout le monde, un chauffeur de bus, à une caissière de chez Carrefour ou je ne sais où, à toute personne, voilà, à une personne qui ne travaille pas, de pouvoir accéder à tous ces lieux-là, tous ces lieux de pouvoir. Donc effectivement, en fait, c'est quand même assez lié tout ça, parce que ces expériences locales que je décrivais, collaboratives, coopératives, finalement, elles montrent que quand on se met tous ensemble, on arrive à faire des choses. Si on a la volonté d'agir pour l'être humain, quoi, pour la personne. Hein. Si c'est la volonté de s'enrichir, c'est pas là qu'il faut aller, il faut faire autre chose. Hein. Il faut aller dans une autre entreprise. Mais si on veut vraiment faire de la solidarité, faire du solidaire, du partenariat, ce sont des lieux où on peut le faire. Et on pourrait se dire, bah, si on arrive à le faire à l'échelle locale, on pourrait le faire plus largement. Et d'ailleurs, il y a aussi des choses qui existent plus largement. Il y a des entreprises aujourd'hui, des salariés qui reprennent des entreprises en gestion avec, en créant des coopératives. Alors que ils étaient employés par leur patron, l'entreprise était au CAC 40, elle s'est cassée la figure, etc. J'ai plus les noms en tête là, mais il y a 2-3 entreprises qui ont été reprises là, assez récemment, par les salariés eux-mêmes. Ils ont constitué une société coopérative. Ils en sont complètement partie prenante. Donc il y a des formes qui existent déjà. Il faut sans doute inventer des autres choses, mais je trouve que c'est pas mal aussi de regarder ce qui existe, et quand ça donne des résultats intéressants, de se dire, bah, pourquoi on n'explore pas plus ? Oui, des fois, voilà, il faut réinventer, sans doute, encore une fois, mais il faut aussi regarder ce qui existe et prendre appui dessus pour essayer de généraliser. C'est toi qui disais tout à l'heure, voilà, comment on peut généraliser et que ça fasse tache d'huile tout ça. C'est possible. Moi, je rêve qu'il y ait, je reviens aux régies de quartier et à l'économie sociale et solidaire, ben, je rêve qu'il y ait 200, 250 régies, 300 et plus. Et que finalement, dans tous les quartiers, voilà, on arrive à trouver des collectifs comme ça qui travaillent ensemble et ça donne du boulot et ça permet à des gens de reprendre confiance en eux, estime de soi, bienveillance. Ça, c'est vraiment deux mots. J'insiste beaucoup sur ces deux mots qui sont le cœur de ce projet. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou on va passer à la conclusion directe ? Plus personne. Et vous voulez dire un mot pour conclure ? Merci. Bah, la conclusion, non. Voilà. La conclusion, si, peut-être c'est juste... je ne sais pas si je l'ai pas retrouvé, mais je n'ai pas fait le tour de toute la place. Il y avait un mot qui était écrit au sol il y a quelques semaines, ici même. Et c'était le suivant, je vais essayer de m'en rappeler. C'est maintenant qu'on est tous ensemble, on va mieux. Voilà. Maintenant qu'on est tous ensemble, on va mieux. C'était écrit sur le sol il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si ça l'y est encore. Et je trouve que c'est la petite phrase qui résume le mieux ce qui se passe ici, et plus largement, parce qu'il n'y a pas qu'ici, avec le mouvement Nuit Debout, et peut-être aussi ce qui résumerait bien ce projet dont je viens de vous parler. Voilà. Cette idée qu'on est ensemble, et qu'on est ensemble, il y a du plaisir d'être ensemble. On peut pas forcément avoir les mêmes idées, mais on en débat, et à partir du débat, il se passe d'autres choses, on change d'avis, on change de posture. C'est ça, effectivement, je pense, dont il faut rêver plus encore, voilà. Et plus on rêve fort, et plus peut-être les choses arriveront plus vite qu'on le pense. Il y a des fois des choses, des fois, il faut pas grand-chose, un petit déclic, et ça peut fonctionner. Voilà, je vous remercie beaucoup. Geoffrey ou pas ? Apparemment il est pas là mais Gars, je fais l'annonce pour les trucs la semaine prochaine, ouais. Si tu veux. Ouais, je veux bien que t'appelles. Donc juste une petite annonce aussi. Si vous voulez faire une intervention sur un sujet d'actualité ou un sujet culturel qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à aller nous voir ou à nous contacter et on vous trouvera une plage dégage. On vous trouvera une plage horaire et vous pourrez faire comme les intervenants que vous avez fait cet après-midi. Merci à vous. On fait. C'est lui ?